vos idéologies. Je pose ma voix sur des samples en quête d'apologie. De phase en phase B, à volonté, on veut aller au bout avant tout la volonté. Depuis Space is the place, le tourbillon m'emporte. J'ai trop de peine et de peine, je suis toujours en tort. J'ai peur de l'avenir, car il se fait dans le présent. J'ai des faits qui s'enveniment, c'est de plus en plus récent. J'aime faire le con quand je peux, mais je m'enfonce quand je suis seul. Je vais pas refaire un j'ai peur, cacher ma peine dans un linceul. Je sais pas pourquoi je persévère, sûrement que je m'y habitue. La vie n'est pas toujours verte, les rêves collés au bitume. Des ambitions dans la tête, mais j'ai commencé par 40 flops. Tu diras sûrement que je suis atteint, mais ce que je vis c'est top. Si je compare à ces mois, bah, je suis à l'apogée. Je sais que ce qui compte c'est la voix, donc je vois mes projets. Yeah. Des rêves dans la tête, y'en a trop à venir. C'est pas vrai que je me la pète, mais les erreurs s'en venir. Mettre ses espoirs enfermés dans un disque dur, j'espère depuis le temps avec Nesdine au pied du mur. Des rêves dans la tête, y'en a trop à venir. C'est pas vrai que je me la pète, mais les erreurs s'en venir. Mettre des espoirs enfermés dans un disque dur, j'espère depuis le temps avec Nesdine au pied du mur. Je fais des erreurs depuis mes pas premiers. Depuis mes pas premiers, yeah. Ok. Je fais des erreurs depuis mes pas premiers. C'est l'heure, j'ai trop de textes, dites-le au plumier. Je mets ma haine et mes histoires au service de face B. Je me parle à moi-même, me confie mes idées noires, j'en ai jamais assez. Passer des textes vite fait à Kizoma et qui les sont enregistrés. Pas de thune, mais Audacity. C'est vrai que Nesdine m'a incité. La vie est pleine de surprises, mais le temps te sépare des gens. Si tu me cherches, je suis sur piste, j'assure, je suis pas méchant. Je peux faire des feats en 10 minutes, tellement le vécu te ferait frissonner. Et oui, j'ai 14 ans, mais je compte même plus les grands et les petits secrets. Une instru confiante, pour ça que je me confie. Je suis toujours méfiant, m'en fiche. Je 4, 6, 8, je compte même plus les faces. 3, 5, 7, non, j'oublierai jamais les bases. Bon, c'est 3, j'arrête, go pour les réactions. Bonjour, je m'appelle Adrien et je rêve d'évasion. Yeah. Des rêves dans la tête, y'en a trop à venir. C'est pas vrai que je me la pète, mais les erreurs s'en venir. Mettre ses espoirs enfermés dans un disque dur, j'espère depuis le temps avec Nesdine au pied du mur. Des rêves dans la tête, y'en a trop à venir. C'est pas vrai que je me la pète, mais les erreurs s'en venir. Mettre ses espoirs enfermés dans un disque dur, j'espère depuis le temps avec Nesdine au pied du mur.